avez pensé de la lettre de Sofiane al-Thawri dans la Khutba? C'est agible, non? Bah, c'était une parole de vérité, quoi. T'es sûr? Non, ça vous a pas plus que ça. Bah justement, je m'étais demandé par rapport à la solitude, parce qu'apparemment, il y avait une divergence chez les savants. Il n'y a pas vraiment de divergence, c'est juste que c'est selon les cas de figure. Si tu peux trouver des gens bien avec qui marcher, bah c'est mieux de marcher avec des gens bien. Si tu n'as personne bien avec qui marcher, il vaut mieux rester seul. Ou alors si, par exemple, la plupart des gens, ils sont corrompus, mais que toi, tu as de l'influence sur eux et qu'ils n'ont pas d'influence sur toi. Donc c'est mieux de les fréquenter pour les influencer, pour leur parler, leur faire le rappel, etc. C'est pas vraiment un khilaf, en fait, si tu veux, c'est plus selon le cas de figure. En fait, cette lettre, c'est la lettre de Soufiane al-Thawri à un homme qui s'appelait Abad ibn Abad. Abad ibn Abad, il lui a demandé un conseil et Soufiane al-Thawri lui a écrit ça. Donc imaginez-vous, Soufiane al-Thawri, il est mort en 161. Donc ça veut dire qu'il est mort à peu près comme l'imam Malik, à peu près à la même période. C'est la troisième génération de l'islam. Et pourtant, vous avez vu ce qu'il dit dans sa lettre. Il dit notre époque, elle est kadoura. Le kadar en arabe, c'est quand quelque chose, comme par exemple de l'eau, kadoura al-ma, ça veut dire l'eau, elle est souillée, elle est devenue un peu noire, etc. On dit kadoura. Donc lui, il a dit kadoura al-zaman. Il a dit ça à propos de son époque. Qu'est-ce qu'il dirait sur notre époque? Bon. Aujourd'hui, on va finir les sourates dans lesquelles on était. On devait terminer, on n'a pas fait la semaine passée, Al-Humaza. Et après Al-Humaza, on regarde le temps qui reste. Soit on revient en arrière, on commence Sabbih Isma Rabbika Al-A'la, parce que c'est le but, c'est de faire au moins Hizb Sabbih. Ou soit on fera un rappel sur Sifatus Salah. La description de la prière, c'est vous qui choisissez, je vous laisserai choisir. On a déjà fait, mais ça, il faut le rappeler à chaque fois. Donc, Surat Al-Humaza. Je peux me permettre. Vas-y, Sina. En fait, il y a tellement en fait, des choses qui s'élisent par rapport à dire, quand quelqu'un te dit bonne année, tu réponds, il y a des gens qui disent que c'est comme si tu fais des chiottes. Et non, par exemple, pour Noël, bon, voilà, au boulot, par exemple, quelqu'un, bon, il sait que tu es musulman, il peut te dire joyeux Noël. Bah, la politesse veut que tu lui dises bonne fête. Bah, en fait, si tu veux, sur ce genre de sujet, il ne faut pas trop. C'est des sujets qui ont été traités depuis l'aube de l'islam. Donc, ce n'est pas des sujets sur lesquels il faut réagir avec ses émotions, que ce soit dans un côté ou de l'autre. Il ne faut pas réagir avec ses émotions en disant, par exemple, juste comme ça, sans avoir lu. Ah, c'est les fêtes des koufars, donc on s'en fiche. Et il ne faut pas non plus réagir avec ses émotions en disant, bah, par politesse, je réponds joyeux Noël. Avant de réagir avec l'émotion, il faut apprendre qu'est-ce que l'islam dit. Et donc on avait vu, quand on avait fait le verset « Qul ya ayyuhal kafirun », il termine par « lakum dinukum waliya din ». Et on a vu que « ad-din », c'est un mot, c'est pas comme le mot « religion » en français. « Ad-din », c'est vaste. Ça veut dire, en fait, ça englobe le mode de vie, la croyance, qu'est-ce que tu considères bien comme mal, et que c'est l'habitude. C'est tout ça « ad-din », ta pratique, etc. Donc, par exemple, pour nous, islamiquement parlant, quelqu'un qui est athée, si tu lui demandes à lui est-ce qu'il a une religion, lui te dit non. Mais pour nous, il a un din, en fait. Il a un din, parce que bah, son athéisme, là, c'est un din, c'est une façon de voir, c'est une façon de vivre. Donc, pour islamiquement parlant, ça s'appelle din, parce que din, c'est comme l'habitude de la personne, son mode de vie, etc. Donc quand Allah dit « lakum dinukum waliya din », ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de mélange entre l'islam et la religion et un quelconque autre din, et qu'il faut une séparation entre les deux claire. Et de là, c'est pour ça que c'est rapporté carrément des sahaba, et les sahaba eux-mêmes, ils en ont parlé. Parce que quand ils ont conquis l'Irak, les Perses, ils avaient des fêtes à eux. Je ne sais plus comment ça s'appelait Yahweh. Hein? Les mitraïs. Non, mais leur fête. Ouais, les adorateurs du feu. Ils avaient le Maharajan, par exemple. Une fête, elle s'appelait Maharajan. Ils avaient une autre fête, etc. Et ils avaient des paroles très très dures, les Sahaba, sur ça. Au point où Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, il disait Man asha ma'ahum wa ihtafala bi Maharajanihim fa huwa minhum. Il disait celui qui vit au milieu d'eux et qui fête leur fête, c'est un d'entre eux. C'est-à-dire, il est plus, il n'est pas musulman. C'est un majoussi, c'est un. Donc ils étaient très durs sur ça. Pourquoi? Et après, bon, il y a des paroles des Sahaba, des grands imams de l'islam, des savants, etc. Donc il n'y a pas de. En fait, c'est un sujet clair, ça. C'est vrai que c'est la vérité. Ce que tu as entendu, c'est vrai. Qu'il ne faut pas les féliciter, ni pour le Noël, ni pour le Nouvel An. Alors il y en a qui te disent, ouais, mais eux, ils te souhaitent l'Aïd. Oui, mais on ne peut pas faire de qiyas entre les deux. Parce que l'Aïd, ils ont raison de te féliciter pour l'Aïd. Parce que l'Aïd, c'est un Aïd qu'Allah il a descendu d'au-dessus des sept cieux. Alors tu vas me dire, eux, ils n'y croient pas. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que l'Aïd, c'est l'Aïd qu'Allah il a révélé. Donc, ils te félicitent pour quelque chose qui est vrai. Toi, tu vas les féliciter pour une fête que Issa lui-même, il ne les a jamais appelés à la faire, qu'ils ont inventée, qu'ils ont mélangée aux fêtes des Gaulois et des Celtes. Il faut connaître l'histoire de Noël, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est le 25 décembre. Ils savent tous que, maintenant ils reconnaissent tous que Issa n'est pas né le 25 décembre. Tous. Ils le savent, les historiens, les athées, ils le savent tous. Les catholiques, ils le savent très bien. Que Issa n'est pas né le 25 décembre. Mais qu'est-ce qui se passe le 25 décembre? C'est l'équinoxe ou le soleil. Et les peuples qui étaient en Gaule à cette époque-là, ils adoraient le soleil. Donc l'Empire romain, quand il a voulu leur imposer le christianisme, il a dit, bon allez, on va leur caser Noël le même jour que leur fête d'avant. Comme ça, parce qu'ils n'avaient pas de la Kundin ou Kumwaliyadin. Eux, ils voulaient répandre le christianisme, même si les gens, ils restent païens, c'est pas grave. Vous prenez le nom chrétien, puis continuez vos petits shirks, c'est pas grave. Parce qu'ils n'avaient pas justement de fermeté dans leur religion. Et donc, ils ont mis le Noël le 25. Pourquoi? Parce que ça correspondait à la fête païenne. Donc, tout simplement. Quand on te dit joyeux Noël, bah c'est simple. Tu dis bah c'est pas désolé, c'est pas moi, je fais pas Noël, c'est pas ma fête. Je suis musulman, je suis pas chrétien. Il faut habituer les gens aussi, parce que c'est un pays où il y a très peu de tolérance ici. Donc il faut les habituer à ce que tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas catholique. Et c'est pas vrai que pour moi. C'est vrai aussi pour mon collègue orthodoxe. Si je dis joyeux Noël, il va dire désolé, moi, le 25 décembre, j'ai pas de Noël. C'est vrai pour mon collègue juif. Pourquoi tu vas lui dire joyeux Noël? C'est vrai pour mon collègue protestant. Pourquoi tu vas lui dire joyeux Noël? Donc il faut les habituer qu'il n'y a pas que des gens comme nous. Il n'y a pas que des cathos qui fêtent Noël. Il y a d'autres trucs aussi. Et ben voilà, moi j'en suis pas. Donc moi je ne vous souhaite pas un bon Eid quand c'est l'Eid, parce que je sais que vous ne le faites pas. Donc il n'y a pas lieu à ce que vous souhaitez Noël. Après Nouvel An, j'avoue que c'est le Nouvel An, c'est moins religieux. C'est un peu plus la coutume. Donc c'est un peu moins grave que Noël, parce que quand tu les félicites pour Noël, ça sous-entend plein de trucs. Ça sous-entend que tu les félicites de souhaiter la naissance de Jésus, et que quand c'est la naissance de Jésus, pour eux Jésus c'est le Fils de Dieu, donc tu les félicites dans tout ça. Donc c'est pour ça qu'effectivement il ne faut pas féliciter quelqu'un qui fait Noël. C'est comme pour ceux qui les accompagnent dans ce qu'ils croient, voilà. Parce que nous on ne croit pas. Voilà, c'est ça. Alors qu'Allah nous a dit, Lakum dinukum wa li din. Donc on ne parle pas de les agresser, on ne parle pas d'être méchant avec eux. C'est juste que sur le niveau de la religion, c'est pas. Non, il y a une séparation qui ne peut pas être franchie. Tout simplement. Sinon, dans un autre verset, Allah nous dit La yanhakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et qui ne vous ont pas exclu de vos demeures. Ça signifie que être gentil, oui, tu as le droit d'être gentil, tu as le droit de leur faire des bonnes choses, de la bienfaisance. Et au minimum, si tu ne veux pas faire de la bienfaisance, il faut être juste. Ça veut dire que dans la mu'amala, tu as soit l'ihsan, la bienfaisance, soit le qist, c'est-à-dire la justice, soit le vol. Le vol, c'est interdit. Mais il n'y a rien qui t'interdit d'être gentil avec eux, donner une aumône, donner un cadeau, un sourire, etc. Ça, il n'y a rien qui l'interdit. Mais tout ce qui est religieux, non. Ça. Le zoom, ça pardon. Le zoom, ça veut dire quoi en fait? Le zoom. Là, ce que tu viens de citer. L'injustice. Ah, l'injustice, d'accord. Parce que dans la façon de traiter autrui, il y a trois façons, il n'y a pas 50 façons. Soit l'ihsan, la bienfaisance. Soit la justice, donc la bienfaisance, c'est au-dessus de la justice. Je passe à côté d'un vagabond, la justice, c'est pas que je lui donne 5 euros, c'est que je passe et puis c'est tout. Moi j'ai reçu ce que j'ai reçu, lui il a reçu ce qu'il a reçu. que je lui donne 5 euros, c'est l'ihsan, c'est la bienfaisance. Et le vol, ça serait de lui prendre son argent, de le frapper. Et Allah, il nous a interdit l'injustice et il nous a obligé la justice et il nous a recommandé fortement même l'ihsan, la bienfaisance. Donc ça, c'est des choses, c'est vrai que parfois c'est pas évident, mais ben, le musulman, il doit avoir sa personnalité. Comme eux, ils ont leur personnalité et ça ne les gêne pas. Il doit avoir sa personnalité, il doit être fier. Et là, on leur fait de mal à personne, on leur fait pas de mal. C'est juste que moi, je fais pas de mal, tout simplement. Mais c'est... par rapport à ça, c'est vis-à-vis de notre communauté. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je vais acheter, faire des choses juste pour les enfants. Ouais, mais ça, c'est la une expression qui excuse rien. C'est stupide, en vérité, quand on y réfléchit. Ouais, c'est juste pour les enfants, parce qu'à l'école, leurs copains sont là, non. Bah non, justement, les enfants, c'est là qu'il faut leur apprendre. Ouais. Mais dans le bon. Ouais. Il faut leur faire un bon Aïd, et ça compensera le fait qu'ils n'ont pas Noël. Tu leur fais un Aïd digne de ce nom, ou même tout simplement, tu les traites bien toute l'année, bah, ils ne ressentent pas le besoin d'avoir un cadeau spécialement à Noël. Après, c'est des enfants, ils voient Noël, tout le monde a des cadeaux, bah, tu leur expliques, c'est qu'il faut parler avec les enfants. C'est pas. Ma génération, moi j'ai 35 ans, ma génération, entre guillemets les Arabes, il n'y en a aucun qui faisait Noël, ou qui avait envie de faire Noël. Je ne me trompe pas, moi je viens de Douai, il ne fallait pas parler de Noël à qui que ce soit, chez les Marocains, les Algériens. Pourtant leur père, il ne parlait même pas avec eux. 90% des pères, il n'y avait pas d'explication. Alors pourquoi nous qui sommes gentils avec nos enfants, on leur parle, pourquoi ça ne marcherait pas? Ah non, non, il faut... On est attiré sur d'autres choses. La vérité, c'est que la plupart des gens, comme Allah dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Les gens, ils adorent Allah à la légère. Quoi. Ils prennent ce qui leur convient, ils rejettent ce qui leur convient pas. C'est ça la vérité. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils n'ont pas appris l'islam, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui signifie l'islam. C'est quoi l'islam réellement? Pour l'islam, c'est comme une identité. Bon, je crois en Dieu, voilà. Donc c'est ça qui pousse à être un peu laxiste avec toutes ces questions-là. Mais si vraiment il comprend ce que c'est l'islam, Noël, ça ne va jamais rentrer chez lui, ça c'est sûr et certain. Oui, c'est parce qu'ils ont réussi à retirer la connotation religieuse de Noël. Voilà. Quand tu parles avec ceux qui font Noël, ils disent bah non, on ne fait pas Jésus, on ne fait pas la crèche. Mais c'est là que c'est ça revient à l'ignorance des musulmans. Voilà, tu vois. C'est que le mot din, c'est plus que ce que eux entendent par religion. Ce qui est coutumier aussi, ça peut rentrer dans, bien sûr. Dans des... Pourquoi? Parce qu'elle a une base religieuse, cette fête. C'est comme les anniversaires, par exemple. Les anniversaires, des fois, on débat, est-ce que c'est haram, c'est pas haram, il y en a qui disent, ouais, mais c'est religieux, d'autres, non, c'est pas religieux, etc., etc. Vous savez que les chrétiens, les cathos, là, je parle pas des protestants, les catholiques, chez eux, c'est haram, mais grave de faire les anniversaires. Et ils ont des décrets de pape, je sais plus en quel siècle, ils étaient super durs sur ça. Pourquoi? Parce que c'était les païens qui faisaient les anniversaires par rapport aux étoiles ou je sais pas quoi. Subhanallah. Moi j'ai une voisine congolaise qui est convertie au protestantisme. Faut pas lui parler de Noël. Il n'y a pas de négociation et tout ça. C'est une protestante, elle est quand même chrétienne. Pour elle, Jésus, c'est le fils d'Allah. Mais faut pas lui parler de Noël. Il n'y a pas de Noël. Il n'y a pas de négociation sur ça. Donc comment nous, on a. Allah nous a donné le Coran. On est la religion du tawhid, la religion de la vérité, et on commence à... Ça sert à rien tout ça. En plus, la prime de Noël. Donc de Halloween, Guy. Non, la prime de Noël. Non, la prime de Noël, non. Ali ibn Abi Talib, quand les évêques, tout ça, ils venaient lui donner les cadeaux de Noël, ils prenaient les cadeaux de leur fête, quand les dignitaires des autres religions, ils venaient, ils donnaient les cadeaux pour la fête, ils prenaient. Mais ils ne les félicitaient pas pour leur fête. Maintenant, eux, ils veulent te donner un cadeau. Bah, tu prends. Comme toi, l'Aïd, tu peux leur donner un cadeau aussi. Il n'y a pas de mal. Mais par contre, l'Aïd, si tu ramènes une assiette de gâteau, là, ils vont la prendre. Il n'y a pas de problème. La fameuse assiette de gâteau. Ça, ils vont la prendre, l'assiette de gâteau. Et pour les nouvelles là, qui n'est pas du tout religieux, quoi, c'est juste un repère quoi, pour pointer. Ouais, bah moi j'agis de la même façon avec le nouvel an en tout cas. Et quand je lis ou j'étudie les paroles des savants, en vérité, ils ne font aucune différence. Donc, ouais. Moi je suis le seul musulman dans toute ma famille. parle pas de collègues, je vous parle de famille, de parents. Bah voilà, dès le début, j'ai mis les choses au clair. Voilà, moi, je suis musulman, mais j'ai deux fêtes dans l'année. J'ai ni Nouvel An, ni Noël, ni anniversaire, ni baptême. Voilà, donc quand c'est ces jours-là, ça sert à rien de m'envoyer le texto, je vous répondrai pas et tout ça. Et j'ai une très bonne relation avec eux. Pour mes parents, je suis le meilleur de leurs enfants. Donc voilà. Tu vois, et la fermeté, ça ne veut pas dire c'est pas une contre-darwa, au contraire. Au contraire, ils voient que justement, que ta religion, c'est pas de la blague. C'est pas comme eux, pour aller Père Noël, on sait que c'est pas vrai, mais on le fait. D'ailleurs, leur Père Noël, ça n'existe plus qu'en fait 100 ans, je crois. Et le rouge et blanc, c'est Coca-Cola qui leur a. Leur Père Noël rouge et blanc, c'est Coca-Cola qui leur a refilé. Subhanallah, c'est fou quand même. Et maintenant, si tu vas au Maghreb, là, dans les rues des grandes villes, bah, t'as Papa Noël, t'as que Coca-Cola, il refile. C'est quoi ce. Elle aime la Izza, elle aime la fierté un peu d'être musulman. Bon, suratou al-Humaza. Al-Humaza, ça vient du verbe hamaza, qui veut dire plus ou moins s'en prendre à autrui. Et notamment par la main. Mais dans le sens, pas frapper ou quoi, mais se moquer, se dénigrer avec les gestes, comme en montrant de cette façon par exemple. Donc le mot humazatoun, comment il est fait ? C'est le modèle fu'alatun en arabe. Et en fait, en arabe, le modèle fu'alatun, il a le sens de fa'il. C'est comme dans le hadith où le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Laysa shadidu bi. Vous connaissez le hadith ? Laysa shadidu bi as-sura'a. As-sura'atu. Il a dit, l'homme fort, c'est pas as-sura'a. Donc, as-sura'a, c'est comme humaza. C'est comme Hutama aussi. Donc, en fait, Sura'a, ça veut dire Sari'a. Ça vient du verbe Sara'a. Sara'a, qu'est-ce que c'est ? Sara'a, voilà, c'est frapper, mettre KO quelqu'un, ou alors l'attraper, le mettre par terre. Ça, Sara'a. Donc, Sura'a, ça veut dire celui qui fait ça aux autres. En fait, dans ce hadith, il a voulu nous dire, l'homme fort dans l'islam, c'est pas celui qui est plus fort que les autres physiquement, qui bat les autres physiquement. Voilà, qu'il n'a shadid. Mais celui qui est fort, c'est celui qui contrôle sa personne quand il est en colère. Donc là, on a Al-Humaza. Donc en fait, ça veut dire Al-Hamiz. Donc au début du verset de la sourate, Allah dit Wailun. Donc Wailun, on avait déjà expliqué. Kalimatu Wa'id. C'est une parole qui exprime la menace. C'est comme en français quand on dit malheur à celui qui fait ceci ou cela. Et Wailun, il a aussi une autre explication qui est que c'est comme un fleuve en enfer qui est composé du liquide qui sort du corps des gens de l'enfer. Ça, le Wail. Donc ça veut dire les deux. Wailun, likul li humazatin, lumazatin. Donc malheur à tout, humaza, lumaza. Donc plusieurs explications elles sont données sur humaza et lumaza, mais plus ou moins ça tourne autour de at-ta'an. C'est-à-dire celui qui dénigre les autres, qui insulte les autres, qui dit du mal des autres, qui médit des autres, qui calomnie. Tout ça, c'est Humaza, Lumaza. Et certains ont dit Humaza bil fi'l, Lumaza bil qawl. C'est pour ça quand on parle de Hamazat al-Shaytan, les pics de Shaytan. Ça, c'est bil fi'l, avec l'acte. Et Lumaza, par exemple, Wala talmizu anfusakum. Ça, c'est avec les paroles, dans la sourate al-Hujurat. Ne vous dénigrez pas. Donc, d'autres versets, ils montrent que le humaza, c'est avec la main, et le lumaza, c'est avec la bouche. Donc, humaza, en fait, ça veut dire celui qui se moque, puis il montre les gens comme ça. Il les dénigre en les montrant. Ou alors, il fait des clins d'œil, etc. Donc, par les actes, il rabaisse les autres. Et le lumaza, ben, c'est par la langue. C'est-à-dire, il insulte, il se moque, il dénigre, il médit. Ça, c'est ouais, le humaza, le lumaza. Donc le musulman, on en comprend que le musulman, lui, doit être à l'inverse. Il ne se moque pas, il n'insulte pas, il ne dénigre pas, il ne fait pas de médisance. S'il a quelque chose à dire à quelqu'un, ben, il lui dit, pour le conseiller, il lui dit en face, s'il y a un bien à ça. Sinon, il ne dit rien dans son dos. Voilà, c'est ainsi qu'est le musulman. Donc ce verset, il est bien à retenir pour les enfants. Vos enfants, quand vous voulez leur dire, par exemple, moi, l'an passé avec les élèves, je faisais comme ça. Quand ils se moquaient entre eux, ils connaissaient tous la sourate. Alors je leur disais, Oui, l'un les coule les humazatil humaza. Ils ne comprenaient pas bien sûr ce que ça veut dire et je leur expliquais. Donc il y a quelques versets comme ça qui sont faciles à retenir dans l'éducation des enfants pour leur dire qu'il ne faut pas se moquer. Il ne faut pas se moquer des autres, il ne faut pas insulter, il ne faut pas dénigrer. Donc ce verset, il est simple à leur dire. Wa'ilun likulli humazatin lumaza. Donc Allah ensuite, il a cité une autre caractéristique à... C'est comme s'il parlait d'un homme en fait. Et certains mufassirin ils disent que ce verset, il parle de l'Walid ibn al-Mughira. Mais même si le verset, il parle de l'Walid ibn al-Mughira, ça ne veut pas dire que c'est restreint à lui. Ça veut dire que c'est vrai pour lui et pour toute personne qui est comme c'est écrit dans le verset. Allazi jama'a malan wa 'addadahu. Allazi jama'a malan, celui qui a accumulé des biens. Donc le mal, quand on parle de le mal, ça peut être l'argent, mais pas seulement. À leur époque, le mal, c'est aussi par exemple les chameaux, les moutons. Tout ça, c'est le mal, c'est les richesses. Donc il a accumulé des biens. Wa 'addadahu. Donc Allah, il n'a pas dit addahu. Adda, ça veut dire compter. Addada, c'est compter, mais avec plus de, encore de concentration. C'est comme fa'ala et fa'ala. Par exemple, qata'a, qata'a, qatala, qatala. Donc là, addada, ça veut dire qu'il s'occupe et il passe son temps, et il se concentre à compter. C'est bien à compter son argent. Pourquoi ? Yahsabu, ou bien on peut dire aussi yahsibu, annamalahu akhladahu. Il yahsabu, c'est-à-dire il croit, il pense. Annamalahu, que c'est bien akhladahu. Ils vont le rendre khalid. Voilà, ils vont le rendre éternel. Il croit que c'est bien, ça le rend éternel. C'est-à-dire, c'est pas une vraie croyance dans le sens où il croit qu'il va jamais mourir, mais en fait, la façon dont il agit, sa mentalité, on dirait quelqu'un qui croit qu'il va vivre toujours. Pourquoi ? Parce qu'il a toute cette richesse. La richesse, elle lui fait oublier la mort. Kalla. Kalla, c'est-à-dire que bon, il ne sera pas éternel. Donc souvent, Kalla, il faut regarder ce qu'il y a avant dans le verset. Kalla, c'est pour dire non par rapport à ce qu'il y a avant. Kalla, la yunbazanna. Nabaza, ça veut dire jeter, lancer quelque chose. La yunbazanna, il sera jeté fil hutamati. Al-hutama, c'est l'enfer. Un démon de l'enfer. Donc, Hotama, c'est le même modèle que Humaza, Lumaza, le mot que l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, Sura'a. Donc, ça vient du verbe Hatama, écraser. Hatama, c'est écraser quelque chose. Donc, l'enfer, elle a été appelée Hotama. Donc, l'enfer, elle a plusieurs noms selon ce qu'elle fait aux gens et aussi c'est pour lui donner une grande importance. On voit que dans le Coran, tout ce qui a une grande importance, il a plusieurs noms. Yawm al-Qiyamah, il a combien de noms dans le Coran ? Al-Jannah, elle a plusieurs noms. Al-Nar, elle a plusieurs noms. Le Coran, il a plusieurs noms. Tout ça pour donner beaucoup d'importance. Donc ici, Allah a appelé l'enfer Al-Hutama. Donc non, il sera jeté dans l'enfer. Al-Hutama. Wa ma adraka ma al-Hutama. Donc Adra, en arabe, ça veut dire faire savoir. Dara, c'est savoir. Adra, faire savoir. Comme Alima, c'est savoir. A'lama, faire savoir à quelqu'un. Donc, wama adraka, qu'est-ce qui te fera savoir ? Mal hutama, qu'est-ce que hutama ? On avait déjà vu plusieurs fois ce genre de verset. Wama adraka mal qari'a. À chaque fois, on a dit qu'est-ce que ça signifie ? Wama adraka ma laylatul qadr. C'est pour, voilà, tarvim, tafrim. C'est pour grandir la chose. C'est pas une vraie question. C'est pas une question qu'Allah pose au prophète. C'est pas ça le sens. Le sens, c'est pour dire que le Khotama, c'est quelque chose de grave, d'important. C'est le feu d'Allah, al-muqada. Al-muqada, c'est-à-dire qui est allumé, qui est attisé. Donc on en comprend qu'il est intense, qu'il est puissant. C'est pour ça que, comme l'imam Malik l'a rapporté, rahimahullah, dans le Muwatta, un hadith où le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma'na al-hadith, Naru dunya juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Que le feu de la vie d'ici-bas, c'est une partie sur 70 parties, c'est-à-dire un 70e du feu de l'enfer. Narullahi muqadatu allati tattali'u ala al-af'ida. Tattali'a, c'est-à-dire ici dans le sens où elle parvient. Ce feu qui parvient jusqu'au cœur. Donc le feu de l'enfer, il ne s'arrête pas à l'extérieur du corps, mais il parvient jusqu'à Al-Af'ida. Al-Af'ida, c'est le pluriel de quel mot? Fou'ad. Fou'ad qui veut dire le cœur. Donc ce feu, il parvient jusqu'au cœur. Innaha alayhim muqsada. Fermée. Elle est muqsada sur eux, c'est-à-dire elle est fermée sur eux. Dans le sens où, en fait, ça c'est des petits versets, mais qui te font penser à plein de choses. L'enfer, il est fermé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça te rappelle qu'ils vont y être pour toujours. Ils ne pourront jamais en sortir. Ça rappelle les autres versets où ils diront, ils demanderont un repos, ils demanderont à sortir. Et à chaque fois, on leur dira, restez-y pour toujours. Fi amadin, amad c'est les piliers. Mumaddada. Madda, ça veut dire étendre quelque chose. Donc mumaddada, c'est-à-dire dans des grands piliers étendus. Donc là, par contre, même l'imam al-Tabari, il a ramené beaucoup de paroles sur fi amadin mumaddada, dans des piliers étendus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le feu, il est dans des piliers étendus? Ou qu'en enfer, il y a des piliers étendus? Ou que eux, ils sont dans des piliers étendus? Ou bien ils sont accrochés sur des piliers étendus? Et l'imam al-Tabari, à la fin, rahimahullah, il a dit, ben Allah, il n'a pas précisé. Tout simplement, il nous a dit que finnar amadou mumaddadatou. En enfer, il y a des piliers, des grands piliers étendus. Et on sait que ces piliers, ils ont un rapport avec le châtiment des gens de l'enfer. Mais comment? Il n'y a pas de verset ou de hadith qui nous explique comment. On sait juste que ce qu'Allah nous a dit, c'est que dans l'enfer, il y a des grands piliers. Donc ça, c'est ça pour la surah Al-Humaza, donc qui est 2h-10. Donc on va, soit la semaine prochaine ou plus tard, on verra, on va repartir jusqu'à Sabbih isma rabbika Al-A'la. Donc j'ai peur que si on commence tout de suite, on ne va pas faire grand chose dans la sourate. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on fait un rappel bref, comme j'avais déjà fait plusieurs fois, sur Sifatou Salah. Ça vous dit ça? Oui. Ouais. Parce qu'à chaque fois quand je suis dans la mosquée, je vois toujours, pas des erreurs, mais bon. Sifatou Salah, c'est quelque chose dont il faut toujours parler. Le mieux, ça serait qu'on le fasse avec un livre de fiqh. Donc Sifatou Salah, qu'est-ce qu'on peut dire sur Sifatou Salah? C'est que, tout d'abord, on peut parler de Aoqatou Salah. C'est-à-dire la prière, elle a des conditions, et une des principales conditions de la prière, c'est Aoqatou Salah. Ou on peut dire aussi Wukut As-Salah. Et Allah dit dans le Coran, Inna Salah Takana Ta'ala Mu'minina Kitaban Mawquta. Kitab, ça veut dire quoi ici? Kitab. Faridah. Kitab, c'est-à-dire quelque chose qui est maktoum dans le sens où il est mafroud. La salat, c'est une obligation mawquta, c'est-à-dire qu'il y a des heures. Donc on avait déjà expliqué plusieurs fois dans la mosquée les heures de prière. Donc c'est quoi l'heure de salat al-fajr? Non, non, pas l'heure, je veux dire. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que quand je regarde le ciel, c'est le fajr? Voilà, l'homme. Al-fajr, ça veut dire l'homme. Comme Allah dit dans le Coran, quand il a parlé du Sriyam, Hatta yatabayyana lakum al-khaytu abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde la nuit à l'est, la nuit, on regarde l'horizon plutôt, on voit qu'il fait tout noir. Et à l'aube, qu'est-ce que c'est l'aube? C'est que d'un coup, il y a un trait de lumière qui va s'étendre, qui va fendre la nuit, il va fendre la noirceur. C'est pour ça qu'Allah dit Faliqul isbah. Il fend l'aube, parce que ça fait comme quelque chose qui fend l'obscurité. Ça s'appelle en français l'aube, et en arabe ça s'appelle al-subh ou al-fajr. Ça, c'est le début de salat al-fajr. Et la fin de salat al-fajr, c'est tulu' ash-shams, quand le soleil apparaît à l'horizon, ça y est, c'est la fin de salat al-fajr. Al-dhuhr, qu'est-ce que c'est? Al-dhuhr, il est écrit dans le Coran. Zawal, na'am, Zawal ou Shams. C'est écrit dans le Coran, dans le verset Aqimis salata li duluk shams. Duluk. Duluk, ça veut dire aussi Zawal, al-muyul. Le zénith. Ben, en fait, c'est pas le zénith, c'est juste après. Parce que le zénith, donc le soleil il se lève à l'est, il monte, il arrive au zénith. Le zénith, dans les hadiths, il est appelé Qa'imu Zahira. Donc il est au zénith, dès qu'il redescend, on n'attend pas, dès qu'il redescend, eh bien, cette borne, ça, ça s'appelle Zawal Hashems. C'est Nuzul ou bien Mouyoul ou bien Douluk Hashems. Donc ça, on va le voir par rapport à l'ombre, par exemple. C'est-à-dire que l'ombre, quand le soleil y monte, bah, l'ombre, elle rétrécit. Elle rétrécit, et l'ombre des objets, elle rétrécit. Quand le soleil est au plus haut point, l'ombre, elle est la plus petite possible. Donc selon le pays où on est, elle va être petite ou elle va être grande. Dès qu'il penche, qu'est-ce qu'elle va faire, l'ombre ? Elle s'allonge jusqu'à ce qu'elle devienne la nuit. Eh bien, dès qu'elle commence à s'allonger, c'est dhr. Ou alors aussi, on peut dire dès qu'elle commence à se diriger vers l'est. Donc le soleil se lève à l'est, donc l'ombre, elle est à l'ouest, l'ombre des objets. Et donc après, il se lève, et après, dès qu'il va pencher, l'ombre, elle va être de l'autre côté. Donc si quelqu'un, par exemple, dans son jardin, il fait un trait pile vers le sud, il voit dès que l'ombre, elle passe à l'est, puisque ça veut dire que le soleil, lui, il passe à l'ouest. Donc c'est minime, hein, c'est quelque chose de... Eh bien, ça, c'est le dhr. Et la limite du dhr, c'est l'asr. Mais c'est quoi l'asr? C'est le départ. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais il y a quelque chose de précis dans les hadiths. Il a dit Hatta yakunu dhillu shay'in mithlahu. C'est-à-dire, quand l'ombre. Il est pareil que la chose. Voilà. L'être humain, quand l'ombre d'une chose, l'ombre d'un homme par exemple, elle est aussi grande que l'homme. Mais il faut rajouter l'ombre qu'il y avait au zénith. Donc, au zénith, quand le soleil est au zénith, juste avant le dhr. Par exemple, si moi je me mets sous le soleil, admettons, on est dans un pays où mon ombre elle fait 50 cm. Donc là, après, le soleil se penche, mon ombre elle va grandir. C'est quand là, ça, il faut que mon ombre elle fasse combien? Moi je fais 1m75. Plus 55. Voilà, 2m25. 1m75 plus l'ombre du départ. Donc quand mon ombre elle fait 2m25, ça c'est là, ça. Donc pour nous, c'est un peu, ça semble bizarre. À l'époque, pour eux, c'était normal. Ça. Comme ils n'avaient pas les montres, pour eux, c'était normal d'observer l'ombre, le soleil, c'est tout ça. C'est selon les moyens, c'est ce qu'ils avaient. Pour eux, c'était facile. Le Maghrib, c'est facile. C'est quand le soleil il a complètement disparu de l'horizon. Et l'Isha, c'est Zawalu al-Shafaqi al-Ahmar. C'est la disparition, c'est pas le noir total. Ça, c'est une erreur de dire ça. Parce que si tu dis que c'est noir total, tu vas le mettre trop tard, Maïcha. Et c'est quand est-ce qu'on sait que dhr est sorti de son heure? Ben, c'est avec l'asr. C'est-à-dire, quand l'asr commence, c'est la fin du dhr. Et pour l'asr aussi, c'est des maghrib? Alors, l'asr, non. L'asr, il a deux temps. Parce que l'asr, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à propos du asr, hatta tasfarra shams. Jusqu'à ce que le soleil jaunisse. En fait, ça veut dire jusqu'à ce qu'il pâlisse. Parce qu'on voit qu'avant le Maghreb, le soleil, il est, c'est pas comme dans l'après-midi. Il est orangé. Il est comme ça, il n'est plus de la même couleur, tu vois bien le rond, il ne donne plus beaucoup de lumière. Donc c'est à peu près 20 minutes avant le Maghreb, 30 minutes. Ça, c'est la fin du Asr. Mais, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man adraka min al-asri raka'atan qabla an taghrib ash-shams faqad adraka al-asr. Celui qui a fait une raka'a du Asr avant que le soleil se couche, il a eu l'asr. Donc ça veut dire que le temps entre le moment où le soleil jaunit et le maghrib, ça reste quand même l'heure du asr. Alors pourquoi dans l'autre hadith il a dit jusqu'à ce que le soleil jaunisse? Ben de là les fouqahs ils ont dit en fait le asr il a deux temps. Waqtu ihtiyar, un temps où tu es tranquille pour le faire, c'est le début jusqu'à ce que le soleil pâlisse. Et waqtu ihtirar, un temps où il est valable, mais il ne faut pas que tu le fasses là, sauf si tu ne peux pas faire autrement. C'est entre le moment où le soleil jaunit et le maghrib. C'est-à-dire à peu près 30 minutes avant le maghrib, ça c'est waqtu ihtirar. Quand tu as le choix, tu es tranquille, il ne faut pas faire l'asr à ce moment-là, il faut le faire avant. Et si tu avais un problème, tu peux le faire à ce moment-là, il est valable. Mais il faut éviter. Comme en ce moment avec le travail, l'asr est en pile poil. Si on le fait juste avant le coucher du soleil, c'est bon, il passe. Ouais. Parce que le travail, on peut considérer quand même, c'est une excuse valable. Parce qu'on est dans un monde où le travail, c'est dur. Quoi. Donc, tu as le Maghrib, et après l'Aïcha, c'est la disparition de ce qu'on appelle en arabe Ash-Shafaqul Ahmar, le crépuscule rouge. En fait, quand le soleil va se coucher, si on regarde le ciel, il y a plusieurs couches. Il y a le rouge, après il y a du blanc. Après, c'est bleu obscur. Donc ça, le rouge, ça s'appelle Shafak. Le blanc, ça s'appelle aussi Shafak. Mais il y en a un, il est rouge et l'autre, il est blanc. Et pour l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, et la majorité de la communauté musulmane de l'Ulama, l'Aïcha, c'est quand le rouge, il disparaît. Quand le rouge, il disparaît, c'est l'Aïcha. Donc c'est pas le noir total, parce qu'il reste quoi? Blanc. Il reste le blanc. Il reste encore les lueurs blanches. Donc ça, on peut pas dire que c'est 1h30 après Maghreb, on sait pas. En hiver, ça peut être 1h10, en été, ça peut être 2h. Et concernant les temps de l'Aïcha, c'est quoi? Alors l'Aïcha, dans le hadith, le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a nisf fil layl al awsat, jusqu'à la moitié de la nuit. Ouais. Mais il y a des hadiths qui disent certains ulama ils ont préféré les hadiths qui disent un tiers, d'autres ils ont préféré les hadiths qui disent la moitié, et d'autres ils ont essayé de faire un assemblage entre les deux. Mais la majorité de la umma, des imams, ils disent aussi que l'Aïcha il a deux temps, comme l'Asr. Le temps où tu es à l'aise pour le faire, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Et le temps où tu peux le faire, il sera valable, mais tu ne dois pas le faire exprès de le faire à ce moment-là. C'est de la moitié de la nuit jusqu'au Fajr. Donc maintenant, dans le hadith, on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'Aïcha, il a dit « Ilani sfillay » jusqu'à la moitié de la nuit. Donc quelqu'un il va me dire, bah, c'est quoi la preuve que si je le fais après la moitié de la nuit, avant le Fajr, l'Aïcha est quand même valable. La preuve c'est que Abdullah ibn Abbas et d'autres, ils disaient que si par exemple une femme qui a le Haïd, et ce Haïd il s'arrête avant le Fajr, c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle se lave. Mais est-ce qu'elle doit prier? Il dit elle fait le Maghrib et l'Aïcha avant le Fajr. Il dit elle fait le Maghrib et l'Aïcha. Donc ça veut dire que c'est encore l'heure pour faire le Maghrib et l'Aïcha pour celui qui a une contrainte, comme cette femme, ou comme le voyageur, ou comme le malade. Donc ça prouve que c'est encore l'heure de l'Aïcha. Donc vous comprenez pourquoi ça prouve. Si une femme, c'est menstruée, elle s'arrête à 10h du matin, est-ce qu'on lui dit tu fais ta douche et tu fais le Fajr? Je vous pose la question. 10h du matin. Donc est-ce qu'elle doit faire le Fajr ou pas? Non, elle ne le fait pas. Parce que c'est plus l'heure du Fajr. Même en cas de contrainte. Le Fajr, tu ne peux jamais dépasser le lever du soleil. Donc c'est plus l'heure. Donc c'est comme ça qu'ils ont retiré que l'Aïcha il a deux temps. Le temps tranquille entre guillemets et le temps de la contrainte pour quelqu'un qui est malade ou pour la femme si elle fait sa douche ou alors pour le voyageur. Nous, comment on le définit? La moitié. L'heure, on a raté l'heure de l'Aïcha qui est définie à telle heure. Ouais. On se donne combien de temps pour savoir si on est après la moitié ou pas? Bah en fait, c'est, tu calcules du Maghrib jusqu'au Fajr, par exemple. On va le faire. Ah, d'accord. Le Fajr, il est à 7h24. Le Maghrib a, on va dire, 17h. Donc de 17h à 7h24, il y a combien d'heures? Il y a 14h24. 7h24, non, du Maghreb au Fajr. Tu pars du Maghreb, donc de 17h à 24h. Il y a 7h. Et tu rajoutes 7h24, ça fait 14h24. Tu coupes en deux, ça fait 7h10 à peu près. Donc tu rajoutes 7h10 au Maghreb, ça fait minuit 10. Minuit 10, ça y est, c'est la fin de l'Aïcha. Et si tu peux faire après minuit 10, si par exemple tu travaillais ou si tu es en voyage, ou si tu es malade, c'est difficile pour toi de prier à l'heure, etc. Donc ça c'est pour le wukut salah, et pour shurut salah, c'est quoi les conditions de la salah? Qu'est-ce qu'on appelle shurut? Les conditions. Donc on a shurut salah, les conditions de la prière, on a arkan salah, les piliers de la prière. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Excusez-moi, c'est moi. Eh ben, c'est moi qui ai appelé hier. Non, ouais, je m'en doute. Ah, ouais. Je finis le cours. Ok, c'est moi. Je finis le cours. Ok, c'est moi. Qu'est-ce que je disais? On a shurut salah. Ça veut dire les conditions de la prière. Arkan ou salah, les piliers de la prière. Wajibat ou salah, les obligations de la prière. Sunan ou salah. C'est quoi la différence entre les quatre? C'est quoi la différence entre shurut salah, les conditions de la prière, et arkan ou salah, les piliers de la prière? Bah c'est c'est pour pouvoir le faire que ce qu'on doit. C'est ce qui va les valider, non ? Voilà. Voilà. Les deux, c'est ce qui va valider. Les conditions, c'est avant. Voilà. Shorot Salah, c'est avant la Salah. Arkanu Salah, c'est dans la Salah. Par exemple, Shorot Salah, qu'est-ce que c'est ? Se tourner vers la Qibla. Ça, je le fais avant de dire Allahu Akbar. Les ablutions ? Satru l'Aura. Qu'à couvrir la aura, ça je le fais avant de dire Allahu Akbar. Faire le wudu, je le fais avant de dire Allahu Akbar. Attention. Le tahalli anin najasat, à pas avoir de najasa sur soi, je les enlève avant de dire Allahu Akbar. Anniya, l'intention de faire le bol, je l'ai avant de faire la salah. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait avant de faire la salah. Donc là, les plus importantes à retenir, qu'est-ce que c'est ? C'est istiqbal al-qibla et le wudu. Généralement, on est habillé, on n'a pas d'impureté sur soi, etc. Et on va regarder l'heure avant de prier. Et arkan ou salah, c'est la même chose, mais c'est dans la prière. Donc c'est quoi le point commun entre shorot et arkan ? C'est que sans ces choses-là, il n'y a pas de prière. La prière n'est pas valable. Même si tu oublies, il faut que tu la refasses. Tu vas te prosterner à la fin, deux fois pour rattraper. Donc par exemple de arkan, rokwa. Si quelqu'un fait voir, il a oublié un rokwa. Il le sait. Est-ce qu'il peut faire deux sajda ? Non. Parce que ça, c'est un rukn. On ne peut pas avoir la salah s'il n'y a pas ce rukwa. Donc il faut qu'il la refasse entièrement. Par exemple, s'il s'en rappelle cinq minutes après, il ne peut plus rattraper. Donc il la refait complètement. Et le wajibat, qu'est-ce que c'est le wajibat ? Le wajibat, c'est obligatoire. Mais c'est quoi la différence avec l'arkan ? C'est que si jamais tu l'oublies, tu peux faire deux sajda à la fin pour la rattraper. Tu n'es pas obligé de refaire toute la prière. Exemple, tashahhud. Tashahhud au milieu de la prière, c'est obligatoire, mais ce n'est pas un pilier. Ta prière, elle peut passer sans que tu aies fait le tashahhud, si tu as oublié. Donc tu fais quatre rak'a, puis tu te rends compte que tu as oublié le tashahhud au milieu. Qu'est-ce que tu fais ? Deux sajda. Deux sajda à la fin de la prière. Bon, ça, c'est un rappel rapide pour différencier. Donc on a awqat al-salah, shurut al-salah, les conditions c'est avant. Arkan al-salah c'est dans la prière. La prière ne peut pas être valable s'il n'y a pas les arkan. Qu'on les oublie ou qu'on ne les oublie pas. Wajibat, c'est ce qui est obligé, mais on peut les rattraper avec deux sajda, deux prosternations si on les oublie. Et l'imam Ahmed, c'est lui qui a le plus de wajibat dans la salah. Parce que l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, bon, si je vous apprends, ça va être avec ce qu'il dit. Lui, il oblige, par exemple, toutes les takbirat, c'est des wajibat. Subhana rabbi al-a'la, c'est min al-wajibat. Subhana rabbi al-azim, c'est min al-wajibat. Sami Allah liman hamida, c'est min al-wajibat. Rabbi ghfirli, quand tu entre les deux prosternations, min al-wajibat. Rabbana wa kalham, min al-wajibat. C'est-à-dire que si tu t'oublies Rabbana wa kalham, tu fais deux sajda à la fin. Alors que pour les autres, c'est pas wajib tout ça, c'est juste. Donc le quatrième, comment ça s'appelle ? Sunan salah. Même pluriel de sunna, c'est-à-dire les choses, elles sont bien à faire, mais c'est pas obligé. Bon, bah, tout ça, on va détailler une autre fois, Inch'Allah, pour aujourd'hui, on se contente de ça. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.